que j'appelle une femme charmante. Ma voir si gentiment se la berménager, tantôt emménager, tantôt déménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Et puis cette boutique est à plaisance et joie. Entre chaque montée, après chaque descente, il importe par ses discours, n'y vient troubler ma quiétude nonchalante. Rien à dire, rien à penser, régulier de tous ces balanciers. Et les timbres de ces pendules joyeusement très inhabiles, tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grelots de mes mules. Je devais mon sort changer, n'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie avec cette horlogère. Monsieur! L'horloge encore ne fait pas votre affaire. Ou bien, laissez, je l'avais recherchée.